Le pardon de Sainte-Anne-Dorée. Прослушайте текст и скажите, кто прибывает в Британь 24 и 25 июля и с какой целью. Sainte-Anne-Dorée est un lieu de pèlerinage très célèbre en Bretagne. On dit que mort ou vivant, à Sainte-Anne une fois doit aller tout breton. L'origine du pèlerinage est l'apparition de Sainte-Anne à un simple paysan, Yvon Nicolazic. Elle lui a demandé de construire une chapelle en son honneur. Le 24 et le 25 juillet, des milliers de pèlerins viennent honorer leur sainte. Ils viennent parfois à pied, en groupe de 10, 20 ou plus. Ils portent souvent leur costume de fête, et c'est à ce pardon que l'on peut encore voir de très beaux costumes brodés et des coiffes très rares. Le pèlerinage est très impressionnant le soir du 25 juillet, pendant la procession au flambeau, et la veillée qui indique le début de la fête.